Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Première édition de la saison 2017-2018. Raymond Poirier au micro. Un plaisir, évidemment, de vous retrouver pour les vendredis soirs des semaines et des mois à venir. Toujours pour vous parler 9e art, pour vous parler bande de dessinée. Si vous nous suivez depuis déjà quelques années, ben, vous savez, on tente d'explorer de manière la plus détaillée possible, la plus précise possible, la scène BD d'abord d'ici, du Québec, mais également d'ailleurs à l'international. Au fil des années, on a presque une centaine d'invités et on décortique donc la production du 9e art d'ici et les productions parallèles aussi autour de l'illustration jeunesse, cinéma d'animation également, fanzine. Alors c'est ce qu'on va poursuivre, c'est ce qu'on va faire pour une donc 7e saison ici à La Vie en BD. Et ben on commence avec un beau mois, je pense, qui s'annonce au fil de février. Il faut dire qu'on a un beau rattrapage à faire, plusieurs excellents albums qui sont sortis au fil des derniers mois, au fil de la saison estivale. Plusieurs excellents albums également qui sont déjà arrivés en ce début d'automne. Et on sait qu'au fil de l'automne, septembre, octobre, novembre, ben, c'est la rentrée littéraire, c'est l'automne littéraire. Donc énormément de publications dont on aura l'occasion de vous parler, publications québécoises notamment. Pour ce qui est de cette semaine, de manière plus précise, eh bien, on va se lancer tout d'abord dans une sortie estivale, en fait, L'Esprit du camp de Michel Falardeau. Donc, une bande dessinée qui nous amène entre deux âges, donc dans des parcours de fin d'adolescence et de jeune enfance, dans un camp dans les bois du Québec, dans un camp de vacances, dans lequel il y a aussi un petit quelque chose de trouble. Donc, le fantastique se métisse avec le réalisme. Un très, très beau premier tome de Falardeau. J'ai bien hâte de lui en parler tout à l'heure. Également, en deuxième moitié d'émission, il y aura Francis D. qui sera de passage pour nous jaser de son exposition Dessins pour la danse qui est présentement à l'affiche du côté de la Maison pour la danse qui a été inaugurée la semaine dernière. Alors, c'était un peu l'idée d'avoir une exposition de dessin autour justement de l'univers de la danse pour lancer aussi les activités de la maison. Et pour Dernet, c'est une relation longue en fait qu'il entretient avec la sphère de la danse depuis 2013 qu'il collabore avec la Rotonde. Alors on aura l'occasion de revenir sur cette relation-là avec lui et de parler du travail qu'il a fait spécifiquement pour cette exposition-là. Et en fin d'émission, il y aura un spécialiste de la bande dessinée, Michel Giguère, qui sera avec nous pour nous parler des séries concept. Alors, c'est quoi une série concept? Qu'est-ce qui vient la différencier d'une série traditionnelle? Quelles sont les séries concept qui sont peut-être les plus intéressantes à découvrir également? Tout ça en amont d'une rencontre prochaine des rendez-vous de la BD qui aura lieu mercredi, la semaine prochaine en fait, donc tout prochainement. Alors voilà, j'ai dit trois fois prochain dans la même phrase. C'est le menu pour l'émission de cette semaine ici à La Vie en BD. Et comme à l'habitude, on commence avec quelques actualités autour de la sphère de la bande dessinée. Un peu en option rattrapage, c'est le cas, en fait, quand on revient de la pause estivale. Et notamment, vous avez vu passer triste nouvelle, en fait, les éditions Casterman qui annonçaient à la fin août dernier le décès de Michel Plessix, qui succombait à une crise cardiaque à l'âge de 57 ans. Un dessinateur breton qui avait démarré avec des affiches ou des plaquettes publicitaires, qui a publié sa première bande dessinée en 1988, La déesse aux yeux de Jade, avant de se lancer dans une série co-scénarisée avec Dieter Julien Boisvert. Il a également adapté le célèbre roman de Kenneth Graham, Le vent dans les saules, qui a gagné d'ailleurs prix du public au Festival d'Angoulême en 2000 pour le troisième tome. Il a prolongé aussi l'histoire de ces étranges animaux dans Le vent dans les sables. Alors Plessix, qui a une carrière riche, en fait plusieurs récompenses, alors vraiment une perte, une grosse perte pour la bande dessinée, alors qui est arrivée au cours de l'été. Sur une note un peu plus joyeuse, eh bien, on parle évidemment de la rentrée littéraire, donc quels seront les plus grands tirages de cet automne, les grands héros qui risquent de tirer les premières places jusqu'aux fêtes de fin d'année. Eh bien, du côté de la France, à tout le moins, là, ça sera assurément la 37e aventure d'Astérix. Astérix, c'est la Transitalique de Jean-Yves Ferry et Didier Conrad qui va dominer. Elle sera tirée à 2 millions d'exemplaires. Ensuite, de la 2e à la 5e place, il y a Titeuf avec 550 000 exemplaires. Le tome 21 de Largo Winch qui, lui, va chercher 350 000 copies. Le 8e tome de Lou de Julien Neal avec 320 000 exemplaires. Corto Maltese, tome 14, donc de la renaissance de cette série, 250 000 exemplaires de prévu. Et ensuite suivent, là, je vous épargne les Toto, mais c'est les légendaires, les vieux fourneaux. Donc, tome 20, tome 4, tome 12 des Sisters, tome 15 de Kid Paddle, tome 15 des Origines de Légendaires, donc, qui seront les plus gros tirages, donc les sorties vraisemblablement d'un point de vue commercial, les plus attendues de l'automne. Au total, en fait, du côté européen, il y a 31 albums qui vont être tirés à plus de 100 000 exemplaires pour cette rentrée automnale. Et sinon, en terminant, on parle aussi de la fête de la BD à Bruxelles. Cette sept prix qui ont été décernés. Ça a eu lieu début septembre. C'est pour la première fois, en fait, dans le cadre de la 8e édition que ça a été remis. Donc, les prix Atomium de la bande dessinée. Sept prix accompagnés par des bourses. On parle de 100 000 euros qui ont été décernés. Alors, le prix Atomium a été donné au Spirou de la lumière de Bornéo de Franck P. et Zidrou, que j'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais c'est sur le haut de ma pile. Le prix Spirou de l'aventure humoristique à People's Adventures de Knowles chez Dupuis. La première du roman graphique a été donnée à Etunwan, celui qui regarde de Thierry Murat, ça c'est chez Futuropolis. Cognito de la BD historique à Joséphine Bacquer de Catelli Boquet chez Casterman. Le prix Le Soir de la BD reportage, c'est La Fissure de Guillermo Abril et Carlos Spotorno chez Gallimard. Le prix Raymond Leblanc de la Jeune Création à Saïf de Hélène Aldeguer. Et enfin, le prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Vivre à Francisco de Thierry Van Hasselt. Ça, c'est du côté de Frémoc. Vraisemblablement qu'il y aura quelques-uns de ces albums qui viendront faire un tour outre-Atlantique qu'on aura l'occasion de parcourir. Alors voilà pour ces quelques actualités en musique cette semaine. Ben, c'est la formation Roboctopus qui nous accompagne avec leur album Your Heart is a Pie Chart. D'ailleurs, que vous pouvez toujours aussi suivre La Vie en BD sur Facebook. Vous pouvez nous retrouver sur facebook.com/ La Vie en BD. Probablement d'ailleurs le seul ou l'un des rares de nos médias sociaux qui n'a pas pris de pause pendant les derniers mois. Les autres sont réactivés ou seront réactivés au fil de la semaine prochaine. Donc, mon blog personnel, voir.ca/ Raymond-Poirier et le blog de l'émission, lavieenbd.wordpress.com. Si vous voulez trouver des actualités BD, également les balado-diffusions de l'ensemble de nos émissions au fil des sept dernières saisons. Alors, cela étant dit, on a maintenant le plaisir d'avoir avec nous au bout du fil Michel Falardeau. Bonjour. Salut Raymond, ça va? Mais ça va très bien, toi? Oui. Et Michel, en fait, t'es avec nous évidemment pour parler. On est un peu en mode rattrapage d'une bande dessinée dont on avait beaucoup envie de jaser ici à l'émission. C'est le premier tome de l'Esprit du camp, disponible depuis quelques temps déjà au studio Lunac. Et ben, en fait, pour l'histoire, un peu t'as choisi de mettre en scène des personnages à la fin de l'adolescence, à l'orée de l'âge adulte, aux côtés d'enfants plus jeunes. Un récit un peu à saveur initiatique entre deux âges et un récit aussi à saveur fantastique. Donc un beau métissage, si on peut dire. Oui, ben en fait, j'avais le goût après Le Domaine Grilloir, ma série que j'ai faite juste avant. J'avais le goût de revenir à mes premiers amours. J'aime bien ça, faire des récits initiatiques, parler de la jeunesse, de l'adolescence, parler un peu des émotions brutes et pures et magiques. Fait que je suis retourné à ça. Puis, ben, comme on va sûrement parler plus tard, j'ai quand même rajouté un petit peu une zone de difficulté pour pas toujours raconter la même histoire. Mais c'est ça, ouais. Des enfants qui crient et des adolescents qui se remettent en question. Oui, puis en fait, à la limite, effectivement, si on retire un peu Grilloir, on a l'impression qu'on revient un peu avec l'esprit du camp, à l'esprit plus humoristique peut-être de French Kiss 86, mais ouais. Un peu dans la continuité aussi, parce que French Kiss, c'est dans un village à l'esprit de Notre-Dame-du-Lac dans les années 80, et l'esprit du camp, on a l'impression d'être dans les forêts des alentours dans les années 1990. Oui, ben c'est exactement ça. En fait, je l'écris pas trop parce que je suis trop large pour aller prendre mes références sur le terrain. Mais tu sais, en fait, c'est vraiment basé sur le camp Basley, qui était à Ville-des-Gy, où j'ai étudié, où j'ai fait mon secondaire. C'est le village à côté de Notre-Dame-du-Lac. Mais bon, vu que j'avais pas de références, puis j'ai fait le camp selon mon souvenir d'il y a presque 30 ans. Et en fait, la personne qui s'occupe de l'entretien du camp m'a envoyé des photos par après, puis je me suis rendu compte que j'étais dans le champ. Mais les montagnes sont là. Mais en fait, t'as capté l'esprit du camp. Oui, en plein, ça, j'ai capté l'esprit du camp. et en même temps, j'imagine, en fait, qu'est-ce qui t'a lancé justement vers ce sujet-là? Et j'allais dire, j'imagine que c'est un peu les expériences marquantes. Donc, quand on vit un camp d'été comme ça, que pendant une semaine pratiquement, quoi, les parents sont pas là, donc il y a une liberté qu'on se permet comme jeune. C'est souvent les premières fois qu'on se ramasse seul avec des enfants, même s'il y a un peu une figure d'autorité. C'est là que tu peux te tester un peu plus, que tu peux faire des... Tu sais, je veux dire, se ramasser des journées de temps tout seul avec des enfants, c'est formidable. Et moi, je l'ai vécu. En fait, cette histoire-là n'est pas du tout autobiographique. Je me suis inspiré. Et sauf deux places. La scène de douche, c'est vraiment autobiographique, mais je vais laisser les gens la découvrir. Et j'étais en train de me perdre, là. Oui, j'imagine que tu te lances un peu sur les anecdotes, le côté vécu, parce qu'effectivement, il y a du côté humoristique. Peut-être si on fait du pouce un peu là-dessus, par exemple, au niveau des relations avec les toilettes, les douches, ces choses-là, on va puiser dans ton expérience un peu et dans les défis qu'on a tous parfois, notamment face aux toilettes publiques. Ouais. Ah oui, moi, je me souviens, à ce camp-là, ça avait pris 4 jours avant de réussir à aller aux toilettes. Fait que la fin du camp était agréable, le début un peu pogné. Mais au niveau du ton, par exemple, c'est drôle parce que je trouve par après que c'est un genre de métissage un peu entre... c'est un mix entre le domaine grillois et French Kiss. Mm-hmm. French Kiss, c'est, même s'il y a un fond de drame, c'est beaucoup de la déconnade. Mais là, je vais aussi loin des connades, mais le drame va beaucoup plus loin. Le drame... T'sais, la réalité des adolescents, les monitrices, les moniteurs, est quand même plus dure, même s'il y a de l'humour à travers. Puis je dis ça parce que je sais qu'est-ce qui arrive dans le tome 2 aussi. Mais on spoilera pas avant le temps. Oui, ben en fait, le tome 1 qui est beaucoup là justement pour servir un peu, j'ai l'impression, d'introduction à l'ambiance, à l'esprit du camp, à la dynamique entre les moniteurs, puis les enfants. Puis, à la limite, en fait, si on faisait abstraction du côté fantastique, ce serait vraiment un récit initiatique, un coming of age, si tu me permets l'anglicisme, où ton protagoniste se découvre, mais... Le fait que ce fantastique-là, on dirait que moi, comme lecteur, j'ai pas pu comme m'asseoir puis être confortable à voir les personnages grandir, évoluer, parce que j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose de mauvais sur le côté, qui attendait juste qu'on soit trop confortable pour exploser. Je comprends. Ben en fait, c'est j'en jasais avec Gauthier Langevin, qui est l'éditeur de chez Lunac, avant même qu'il devienne mon éditeur, parce que c'était un très bon ami. Puis j'osais ça, je disais justement que j'avais le goût de retourner avec des expériences d'adolescence, la forêt, tout ça. Puis je disais que je voulais pas refaire encore la même chose. Donc c'était vraiment genre, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Est-ce que je mets de l'horreur? Est-ce que je mets du fantastique? Puis là, je sortais ma liste de choses, puis on pesait les pour et les contre ensemble jusqu'à temps que je dise que c'est le fantastique qui va y aller. Je voulais pas mettre juste de quoi de gadget aussi, je voulais qu'il y ait un récit dans le récit. Et ça a été un beau défi, franchement, parce que le but, c'est... Ben, mon but, c'est... tu sais, l'histoire est très drôle et très amusante, puis des fois touchante, mais je voulais pas que ça flippe, puis qu'on finisse avec un autre ton complètement. Fait que le but, c'est de garder ça tout le long, mais de rajouter du fantastique et peut-être même un univers plus dark à l'intérieur, sans perdre l'origine du récit. Oui, je pense, en fait, je suis tombé sur une citation de toi, justement, dans une entrevue où tu disais que tu avais essayé de faire, pas un récit d'horreur, mais de pas mettre de l'horreur, mais de mettre une tension. Oui, bien, mettre une tension. Puis, tout à fait. Je voulais mettre une tension parce qu'en fait, si j'avais promis ça, puis j'avais fait comme tu as dit au début, donc le coming of age et tout ça, ça aurait été un peu du strip. Mm-hmm. T'sais, oui, il y aurait eu quand même une évolution, mais tu sais, à un moment donné, j'avais pas le goût de faire broyer les gens, j'avais pas l'intention d'aller dans un truc super intense. Ça aurait fait un peu Wet Hot American Summer, là, pour ceux qui ont écouté la série, là. Et à l'intérieur de ça, évidemment, reste que il y a beaucoup de dialogues, d'échanges. Et ce qui est toujours fascinant quand on lit du Michel Falardeau, qui s'intéresse à la jeunesse, à l'adolescence, c'est ta capacité à donner des dialogues qui sonnent vrais. Et n'étant pas un adolescent toi-même, je me demande toujours, en fait, justement, comment tu réussis à créer ces dialogues-là, à les rendre pour que on sente le personnage, en fait, plutôt que l'auteur qui parle. Peut-être parce que je suis encore adolescent, finalement. Mais en fait, il y a deux choses. Un, j'essaye pas trop. Je veux dire, je suis pas au courant. Ben là, c'est ça, ça se passe dans les années 90, fait que je savais un peu c'était quoi les expressions, mais même là, ça change d'une région à l'autre. Je me suis rendu compte que quand j'ai vieilli, qu'il y avait ben des expressions qu'on avait par chez nous qui n'existaient pas en ville. Par après, je te dirais que c'est un peu ma facilité en BD. Genre, tu sais, des fois, le storyboard, il faut que je travaille fort. Le dessin, il faut que je travaille fort. Le récit aussi. Au niveau des dialogues, j'ai juste l'impression que je peux tricher, genre, piger dans ma tête. C'est le mieux que je peux dire. Tu sais, les mots sont là, pour la plupart du temps. J'ai juste besoin de les écrire. Fait que c'est... Je fais pas exprès. C'est sûr, avec le temps, je m'améliore, mais tu sais, c'est fait que c'est pas pour rien que je fais des BD avec beaucoup de dialogues, parce qu'en plus, j'aime beaucoup ça. Et en même temps, j'ai l'impression que tu disais tantôt que tu t'es mis une petite contrainte au niveau du récit avec la dimension fantastique que tu souhaitais ajouter, mais au niveau des dialogues, tu t'es enlevé les contraintes. Bon, le livre est aussi disponible outre-mer, en Europe, en France, et tu as choisi de mettre des lexiques plutôt que de te dire « OK, il faut que j'y aille avec du français international ». Ben, ça aurait été épouvantable avec du français international. J'aurais eu l'impression d'être un traître, de faire une BD qui se passe dans le fin fond de la ZEC à Dégely, puis pour mettre ça en français international, ça aurait été épouvantable. Mais non, je pense... ben, je sais pas si on en avait parlé, mais le domaine Gris-Loire, il y avait eu quand même des critiques un petit peu corsées au niveau du langage. Les gens auraient aimé ça avoir un lexique, trouvaient que c'était pas... Il y avait pas de raison que ce soit en québécois. Puis, avec Gauthier, c'est ça, on a décidé, c'est la dernière décision qu'on a prise avant de l'imprimer, c'est on met le lexique. Mm-hmm. Mais le lexique, ça va être amusant. Puis, finalement, ça. Surtout que là, je me suis laissé aller lousse avec le parler québécois. Ça a été full apprécié. Je pense qu'il y a juste une personne qui s'est plaint là-dessus que j'ai vu, puis c'est un Québécois, fait que ça me dérange pas trop. C'est rendu là, quand un Québécois se plaint de ça, c'est comme se plaindre de l'écriture de Michel Tremblay, là. Je veux dire, ça n'a pas rapport, là. Puis c'est à travers l'écriture, en fait, évidemment, avec le dessin qui reste toujours souple, présent pour donner le caractère des personnages, mais c'est beaucoup à travers le dialogue, finalement, qu'on découvre aussi ces figures-là, qu'on a l'impression font part un peu parfois avec des archétypes, puis après ça, tu t'amuses un peu à les détourner ou à les amplifier pour construire un peu, finalement, la trame humaine de ton petit monde, de ton petit théâtre. Ouais, ben c'est drôle, là, parce que justement, si on parle des critiques, ben surtout en France, c'est drôle comment les gens réagissent différemment, mais c'est beaucoup, ça commence tout le temps avec un truc très classique, tu sais, des personnages qu'on a vus partout, mais finalement, ils disent tous qu'ils se sont fait avoir. Moi, j'aime ça, présenter de quoi qui peut être classique. Puis, comme je dis, je sais pas si c'est si... Je sais pas si c'est ma façon d'écrire par défaut ou si c'est vraiment réfléchi, mais j'aime ça amener les personnages ailleurs, amener des zones de gris, finalement. Tu sais, j'aurais pu jouer pendant 2 mois de temps, on parle du temps du récit, que Élodie, qui est le personnage, en fait, qui veut pas s'ouvrir aux autres, qui est noir un peu, qui ressemble un peu à une Daria... j'aurais pu jouer ça pendant 2 mois que finalement elle veut rien savoir, c'est le personnage tout le temps bougon, mais non, dès le premier tome, il y a déjà une ouverture qui se fait. Et le personnage qui est supposé taper ses nerfs, qui est la Miss Parfait, ben en fait on se rend compte qu'elle aussi a des côtés pas mal plus cool qu'on pense. J'aime ça avoir des personnages plus complexes qu'un seul trait de caractère. Mais c'est sûr que là, il y a genre 60 enfants. Fait qu'il doit en avoir au moins 40 là-dedans qui ont un seul trait de caractère, mais eux autres, c'est du décor. Oui, ben fait, disons que ça nous permet d'aller chercher l'humour adolescent, puis de mettre aussi l'humour enfantin avec les blagues de caca et de pète qui deviennent nécessaires. Il en manque pas, en plus. Et en même temps, Michel, c'est un album de première, j'ai l'impression, pour toi. La première chose, tu mentionnais Gauthier Langevin, éditeur chez Studio Lunac. C'est, je pense, en fait, ton premier album édité au Québec. Oui, c'est mon premier album édité au Québec. Ça fait des années que j'en parle, que j'aimerais ça, puis c'est la première fois que ça marche. Qu'est-ce qui t'a fait faire le saut? Est-ce qu'on s'est dit que c'était le moment ou l'occasion? Puis est-ce que tu as l'impression aussi que ça change la dynamique? Toi qui as toujours été édité du côté européen, d'avoir un éditeur qui est pratiquement ton voisin, d'être sur le territoire de lancement du livre, etc. Ben c'est très spécial. Ben un, parce qu'un de mes meilleurs amis, puis deux, c'est ça, on habite dans la même ville maintenant, fait qu'on fait des discussions entre éditeurs et auteurs sur mon balcon qui se termine finalement en discussion d'amis avec trop d'alcool. Mais on va passer ça. En fait, les principales raisons, ben un, je suis vraiment content, puis les principales raisons, c'est que tu sais, on connaît un peu les difficultés du marché français, de l'édition en France. en plus de ne pas être sur place, les auteurs, pour défendre nos livres, il y a plein de contraintes. Comme moi, Le Domaine Grilloire, c'est un livre qui s'est fait accepter, c'était supposé être, ça s'est fait accepter en tant que livre en noir et blanc de 200 pages. Mm-hmm. Mais ça a viré en deux livres de 46 pages couleur. Donc, tu sais, puis je comprends les contraintes. Puis, tu sais, je veux dire, je suis pas en train de crier, de chialer. J'ai signé ce contrat-là, j'ai accepté. Mais j'étais plus prêt à faire le compromis de modifier mes histoires pour un marché. Puis c'est le Québec qui s'est montré. Je veux dire, j'ai écrit à Gauthier, il était intéressé, je le savais. Moi aussi, j'étais intéressé. J'ai dit, on peut-tu faire un 200 pages couleur? Je propose toujours des 200 pages en passant. Puis ben, il m'a répondu, ben oui. Fait que c'était pas plus compliqué que ça. Là. Puis au niveau de la couleur, haute première, t'as passé aussi le relais à quelqu'un d'autre, à Cab, en l'occurrence? Oui, ben je vois, parce que j'aime beaucoup faire de la couleur. C'est pas ma plus grande force. Puis j'aurais pas encore fini le tome 1 si c'est moi qui le faisais. Fait que non, en BD, une année, je tiens à faire mes dessins, mon scénario, mais il faut déléguer parce que ça devient plus rentable. Puis il faut que les gens veulent avoir les suites. Fait que j'aimerais bien plus jamais faire de couleur pour mes bandes dessinées. Alors, à bon entendeur. Comment? À bon entendeur. Puis en plus que Caroline fait des super belles couleurs, il faut le noter là aussi. Et si on reste sur le thème des premières, il me semble qu'au niveau de dessin, je me suis laissé dire que t'avais passé plus au dessin numérique pour celui-là. Ouais, c'est un peu hasard en fait, parce que j'avais monté un gros dossier entre Le Domaine Grilloire et cette série-là, puis je l'avais fait à la plume, puis après j'avais 12, 13, 14 ans, enfin j'avais commencé à faire la paix avec la plume, puis me dire j'ai enfin trouvé une façon d'ancrer qui marche. Et en fait, c'est en voyant des impressions du Domaine Grilloire, je me suis dit, ah non, la ligne, elle sort vraiment trop mince. Puis là, c'est la plume que j'aimais. Puis j'ai fait le switch. Je me suis équipé de Manga Studio. Puis je suis content. C'est drôle parce que tout le monde me dit, ça va plus vite. Hein, puis pour vrai, moi, je suis trois fois moins vite à l'ordinateur, même si ça fait presque deux ans que je le fais à l'ordinateur. Mais c'est une autre façon. C'est une autre façon de faire. Je vais continuer, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire d'autres projets à la main. Oui, parce que j'imagine de changer d'outil comme ça, ça reste des réapprentissages. Comme tu dis, ça, en 14 ans, tu as réussi à trouver une méthode d'ancrage qui ouais. tente, mais j'imagine que tu en as pour quelques années aussi avant d'avoir vraiment une aisance complète, si on peut dire, avec un outil numérique. Ah oui, ben, tu sais, en fait, la beauté du numérique, c'est qu'il permet justement de faire un switch rapide. C'est le fait que ça pardonne, qu'on peut retourner en arrière, alors que tu sais, je ne switcherais jamais aussi vite que ça d'un médium à la main à l'autre. Parce que tu sais, là, pour vrai, t'as un vrai apprentissage qui peut être très long. Il n'y a pas de CTRL-Z sur une feuille et un crayon. Mais non, je suis quand même pas mal content. Au début, en fait, je me suis senti trahi. Ben pas trahi, mais j'avais l'impression de perdre de quoi. J'avais l'impression que c'était plus mon style de dessin. Puis finalement, j'ai appris à apprécier ça. Là, c'est beau, il est un peu plus rond, ce trait un peu plus fluide. Là. Et justement, est-ce que tu as fait beaucoup de recherches? Parce qu'on parlait tout à l'heure du type des personnages. Bon, au niveau vestimentaire, au niveau décor aussi, les années 90, les références. Est-ce qu'il y a quand même eu, au-delà de la mémoire du camp dont on a parlé au départ, un certain travail de recherche pour amener tout ça adéquatement? Pas tant. Je suis plate, hein? Ben, en fait, tu sais, un peu de coiffure, un peu d'habillement, mais, tu sais, tout le monde sont en camp de vacances, puis en général, je veux dire, tout le monde en camp de vacances ont des culottes courtes, puis des t-shirts. Tu sais, la différence, c'est souvent, c'était l'époque des t-shirts, que c'était presque des robes. On n'avait pas peur de mettre des gros bas de laine dans nos sneakers de sport. On portait des 300. En tout cas, tu sais, les sneakers n'avaient pas les designs aussi futuristes qu'aujourd'hui, mais en général, c'est plate à dire, c'est trop de job. Je veux dire, le but, c'est juste que ça passe. J'aurais pu vraiment me lancer plus là-dedans, mais le but, c'était que ça paraissait crédible. Là. Ensuite, j'y étais encore un peu de mémoire. Je connais bien mes références culturelles encore de l'époque. Fait que c'est ça. Oui, puis de rester fluide, rester instinctif. Puis dans le fond, un peu comme dans les libertés historiques qu'on peut se donner dans certaines séries, dans certains contextes, mais de se le donner aussi pour l'histoire plus récente, d'une certaine manière. Oui, mais comme je dis, c'est vraiment la principale raison. C'est vraiment que de manier, c'est trop long en fait, ça coûte trop cher. Fait que j'ai fait des choix. J'avais 60 personnages à designer et c'est la première fois que j'ai fait ça de ma vie, parce que normalement on peut pas se permettre ça. J'y ai fait les bouilles de tous les personnages de A à Z avec des rotations, de les voir de face, de côté, trois quarts. Puis j'ai fait ça pendant un mois. C'est un luxe que je me suis jamais permis de faire avant, là. Donc déjà on développe, à travers justement la maîtrise des personnages, on maîtrise les outils, puis tout est dans tout, là. Ouais. Et à travers tout ça, Michel, le deuxième tome, en fait, le premier est disponible depuis quelques mois, on le dit, est sorti en début d'été. Le deuxième s'en vient en début d'été prochain? Non, c'est ça qu'on vise, normalement. Donc ça serait quand même plate que ça sorte à Noël, là, un livre de cartes vacances. Effectivement. Ouais. Comme une ambiance, ça s'est bien en été. En automne aussi, pour ceux qui l'ont pas lu en été, évidemment, mais bon. Oui. Puis aussi, ça se peut qu'il y ait une double sortie l'été prochain, hein, aussi, parce qu'il va sortir en anglais aussi. Oui, en fait, c'est ça, je voulais en venir là-dessus, c'est que ça a été racheté du côté des droits de diffusion anglophones, donc Lunac, en fait, qui va annoncer dans le courant de la semaine prochaine pour certains tomes, mais entre autres le tien, là, qui va connaître une sortie américaine. Oui. Ben, en fait, ça n'a pas été acheté, là, mais ça a été une entente, là, mais avec Top Shelf. Donc, très content, c'est une belle maison d'édition, ça va être... ben là, c'est drôle de recommencer au bas de l'échelle aux États-Unis, parce que, en fait, j'ai présenté le dossier aux Américains comme si, pas en tant que traduction, mais vraiment en tant que voici un projet que je veux faire, voulez-vous l'éditer? Et donc, c'est ça, de repartir avec des petits tirages puis de ne pas être connu, mais je suis bien excité et j'espère que ça va être le premier de plusieurs. Et je croise les doigts également. Merci. Michel Falardeau, merci beaucoup. Merci Raymond, toujours un plaisir. Inversement. À la prochaine. Bye bye. Alors voilà, c'était Michel Falardeau, auteur donc de cet album L'Esprit du camp, premier tome, qui, je le rappelle, est sorti du côté du studio Lunac en début d'été. On prend quelques minutes à la vie en BD pour vous parler d'un album qui a été publié également en saison estivale du côté des éditions Pawpaw. En fait, c'est dans le cadre de leur entente qu'ils ont avec l'association là, autour des albums et de la diffusion au Québec, en fait, des albums de Lewis Trondheim. Et ben notamment, en fait, il y a, après les Coquelicots d'Irak l'an dernier, Mildew, donc, qui a été réédité du côté français à l'association et qui a été donc édité du côté des éditions Pawpaw. Un album, en fait, pour les fans de Lapinou, en fait, j'imagine que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, en fait, pour situer un peu ce récit-là. C'est un peu le entre guillemets, chaînon manquant entre Lapinou et les carottes de Pantagonie de 1992 et les formidables aventures de Lapinou en 95. Donc, c'est un peu la genèse, ou ça fait partie de la genèse et de la consécration aussi de l'univers de Lapinou tel qu'imaginé par Trondheim. Et donc, ce qui fait qu'avec ce type de référence-là, ben, on se dit, OK, c'est un album qui risque d'être fort intéressant. Et à la lecture, ben effectivement, ce l'est, il n'y a pas de surprise là-dessus. Un album vraiment palpitant, en fait, surprenant aussi, où finalement, il n'y a pas tant d'histoires, il n'y a pas tant de choses qui se passent, mais il y a tellement de choses qui se passent, donc on joue un peu avec les paradoxes. Pour le contexte de départ, en fait, on a Mildew qui est un dictateur qui se fait donc qui s'est fait renverser, en fait, avant le début du livre, et on assiste essentiellement à son départ, mais lui, finalement, essaie de garder le pouvoir par la peur et de s'imposer avant le retour du roi, décide de tuer un émissaire, finalement, de tuer quelqu'un au hasard qu'il va saisir dans le public, et il choisit un lapin, parce qu'on sait, les lapins sont jamais des êtres excessivement forts, et essentiellement le lapin, lui est plus fort finalement que Mildew, réussit un peu à éviter, finalement décide de sauver, et il s'ensuit une course-poursuite à travers la ville, à travers le château, des tours jusqu'au donjon, jusqu'aux égouts, où essentiellement Mildew va transformer ce désir de tuer en obsession de tuer ce lapin, une obsession qui va essentiellement le dévorer, l'engloutir pour les dernières minutes de sa vie. J'y minute parce que c'est un récit qui va excessivement vite, ça déboule, il se passe quelque chose constamment, cette poursuite ne cesse pas, elle est très bien mise en scène là par Trondheim, c'est pas une surprise non plus là-dessus, et donc ça donne un album qui se dévore littéralement, en fait du moins en première lecture là, où on y va vraiment à un rythme très très rapide, où on imagine peut-être être le rythme de l'action, et ensuite bon, on recule un peu, et c'est l'occasion peut-être ensuite d'aller voir les personnages qui s'y trouvent, d'aller voir la construction de cet univers-là qui s'est passé à l'intérieur de ce chapitre des aventures de Lapineau, de voir un peu les éléments de la genèse de la mouche, il reste de profiter d'autres éléments, d'autres richesses du point de vue de la mise en scène et du reste. Donc, c'est vraiment un récit qui se dévore, je le répète, je pense que c'est la bonne expression. Donc, pour redire, il ne se passe pas grand-chose, mais il se passe énormément de choses. Alors, si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, si vous n'aviez pas vu ça passer, que vous êtes fan de Trondheim et de Lapineau, ben allez-y, ne ratez pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est un album rythmé, dynamique. Ça peut être aussi une porte d'entrée intéressante dans cet univers-là, mais de toute façon, je prends pour acquis que vous avez un quelconque intérêt envers l'univers de Lapineau. Alors voilà, donc Mildew de Lewis Trondheim, c'est du côté des éditions Pow Pow. Que l'album qui nous accompagne au fil de l'émission. Donc, toujours dans les saveurs de 8 bits, c'est Roboctopus avec Your Heart is a Pie Chart, un album que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur Bandcamp. Et on poursuit cette émission inaugurale de la saison 2017-2018 de La Vie en BD avec nous maintenant, Francis Desharnais. Bonjour. Bonjour. Alors, Francis, qui est de passage avec nous pour jaser de dessin pour la danse. Alors, c'est une exposition qui est présentée jusqu'au 12 septembre. Donc, on a encore quelques jours pour aller y voir du côté de la Maison pour la danse qui a été inaugurée, incidemment, la semaine dernière. Et Francis, en fait, en ce qui te concerne, dessin pour la danse, c'est dans la continuité d'une longue histoire qui est unie, justement, à l'univers de la danse, une histoire qui a débuté en 2013. Oui, exactement. J'ai commencé à faire des dessins, des sortes de notes de blog, des notes dessinées de blog, à un moment où la Rotonde me demandait d'aller voir des spectacles et assis dans mon fauteuil, eh bien j'essayais de capter des moments des moments du spectacle, tout ça, et avec ces dessins accumulés là, je faisais des notes de blog. Mais là, bon, depuis on a évolué, tout ça. Puis pour l'ouverture de la Maison pour la danse, ben on a décidé de faire une exposition de dessins inédits où là, au lieu d'aller voir un spectacle, eh bien, j'allais avoir deux danseurs juste pour moi, parce que quand je vais voir un spectacle, ben ça va bien, c'est le fun, mais en même temps, c'est super difficile parce que ça va vite, ça bouge tout le temps, puis je peux évidemment pas crier pendant le spectacle, arrêter, puis refaire ces mouvements-là. Alors que là, en ayant des danseurs avec moi, ben je pouvais leur dire justement s'il y avait des positions, des mouvements que je trouvais le fun, ben je pouvais leur demander soit de les répéter ou soit de s'immobiliser pour me donner un petit peu plus de temps pour capter le mouvement comme tel. C'est un peu l'idée de l'exposition. Et ces séances-là, Francis, est-ce qu'ils étaient déjà un peu organisées? Tu savais un peu qu'est-ce que tu espérais aller chercher ou au contraire, c'était beaucoup basé sur l'improvisation, dans le fond, leur donner des thèmes, des contraintes, voir un peu qu'est-ce qu'elle en tirait? Oui, c'est ça. C'était surtout de l'improvisation. Il n'y avait pas, on n'était pas organisé d'avance tellement. Mais justement, en improvisant, ben comme tu l'as dit, on s'est donné des thèmes à un moment donné pour faire quelque chose d'un petit peu plus orienté, là. Et donc, toi, t'es là avec ta feuille, ces deux séances, donc c'est Fabien Piché et Audrey, voyons, je retrouve le nom... Ariane Boileau. Ariane Boileau, merci, qui sont avec toi. Et donc, est-ce que c'est venu un peu enrichir, dans le fond, ta perception, ta compréhension un peu du corps, du mouvement? Parce que c'est un exercice, il me semble, qu'il avait déjà fait aussi dans le passé au Musée de la Civilisation, avec l'ONF, mais autour de la danse swing, donc l'idée d'avoir des corps à ta disposition, des mouvements à ta disposition, comme ça. Ben oui, c'est sûr, parce que en plus, ben la danse, c'est des mouvements, c'est des positions qui sont pas tant des positions de la vie quotidienne, j'ai envie de dire, tu sais. Ben il peut en avoir, mais bon, souvent c'est des choses qui nous sortent là de ce qu'on connaît en termes de mouvements dans la vie de tous les jours. Donc à ce niveau-là, ben juste de dessiner ces espèces de positions. Hors du commun, puis ces mouvements que nous qu'on fait pas dans notre vie, ben c'est sûr que ça enrichit au niveau du dessin, là. Oui, puis j'imagine que le défi, c'est que d'un côté, si on dit, par exemple, OK, on y va avec tel type d'émotion qu'on explore au niveau du mouvement, eux, ils ont une pléiade de mouvements, une belle série à proposer pour transmettre cette émotion-là. Toi, dans le fond, il faut que tu choisisses le mouvement qui est peut-être le plus parlant pour rendre l'esprit de la performance. Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est tout ça, même si les danseurs pouvaient répéter leur mouvement ou s'immobiliser, ça allait quand même encore très vite. Ce qui fait que je me suis ramassé avec une tonne de dessins, de croquis, ce qui fait que j'avais pas tant le matériel pour dire « Ah oui, cette séquence de mouvement-là, je veux vraiment la faire. » Ce qui fait que ce que j'avais, c'était des espèces de flashs, des espèces de moments quand même assez fugaces. Mm-hmm. Donc, je peux pas forcément rattacher à une séquence chorégraphique là, précise. Donc, ils devenaient, dans le fond, leur propre séquence, ces flashs-là. Oui, exactement. C'est dit. En travaillant sur l'exposition, je me suis rendu compte que, aussi, en faisant ces séances-là, je voulais, au départ, mon ambition, c'était aussi de pouvoir intégrer l'architecture de la maison pour la danse qui est nouvelle, puis de cette maison-là qui est absolument magnifique. Mais encore là, je veux dire, en quelques secondes, t'as pas le temps. Là. Si tu veux vraiment profiter des danseurs, ben je me suis concentré sur les mouvements. Puis par après, ben j'ai fait des espèces d'assemblages, si on veut, où je dessinais les mouvements de danse, mais dans un environnement plus défini, un environnement architectural plus clair. Donc là, je définissais un peu plus les mouvements puis les personnages et tout ça. Donc, t'as comme deux séquences dans l'exposition. T'as une séquence plus mouvement pur, plus croquis, plus énergique. Puis t'as une série qui relève peut-être plus de l'illustration où on capte mieux l'environnement dans lequel ces mouvements-là ont été faits. Oui, puis j'ai l'impression, en fait, la série avec l'architecture, si on peut dire, je trouve qu'elle fait ressortir d'autant plus le mouvement parce que les fenêtres, les lignes, en fait, de l'architecture sont très droites, sont très nettes, et je trouve que ça fait ressortir particulièrement la rondeur, en fait, des traits puis des mouvements des danseurs, de leur oui, silhouette. Oui, bien, c'est peut-être là où les croquis de danse comme ça ont le plus influencé mon dessin parce que je prenais mes meilleurs croquis, évidemment, qui étaient justement très énergiques, très dynamiques. Ce qui fait que même en les retravaillant un peu, mais pas trop, j'ai envie de dire, mais j'arrivais quand même à garder cette espèce de swing ou de d'énergie-là. Oui, puis on essaie, en fait, comme tu dis aussi, entre illustrations, peut-être un peu plus classiques, mais avec cette rondeur-là, ce côté spontané, si on peut dire, qui demeure dans ces croquis-là. Puis en parallèle, les autres images, d'un peu plus dans l'esprit qu'on connaît de tes expositions et tes croquis de danse, où là, par moment aussi, on est pratiquement face à des œuvres abstraites ou presque, où on devine un peu l'écart, le mouvement, mais c'est qui laisse aussi une part d'interprétation quant à notre réception, si on peut dire, de l'émotion qui est présentée, du moment, de l'instant qui est présenté. Oui, ben c'est tout à fait, c'est ce que j'essayais de faire. Yes, ça a marché. Et Francis, en même temps, je me demandais, le noir et blanc a fait, qu'est-ce qui t'a amené à peut-être pas, surtout dans un contexte où tu avais du temps un peu plus, en fait, pour explorer un peu moins la richesse, pourquoi rester dans le noir et blanc, pourquoi pas intégrer la couleur? La couleur, c'est un peu le grand combat de ma vie. faut que je sois sûr des couleurs que je veux utiliser pour ça. Puis j'avais pas tant envie d'y aller parce qu'en plus, quand on regarde la maison pour la danse elle-même est beaucoup en teinte de noir et de blanc. Ben, c'est pas des teintes, là, mais est beaucoup en noir et en blanc avec quelques teintes de gris. Ce qui fait que je me disais que de toute façon, esthétiquement, ça allait fonctionner d'avoir mes dessins en noir et blanc dans cet espace-là. Et à travers tout ça, si on remonte un peu, parce qu'on disait que ça fait depuis 2013, donc que tu travailles avec des croquis autour de la danse, qu'est-ce qui t'accroche, peut-être, ce qui t'inspire dans l'idée de rendre le mouvement, de traduire l'énergie, dans le fond, du mouvement, dans l'immobile, dans le dessin? Bien, je pense que c'est une volonté de ma part de un peu amener mon dessin ailleurs, parce que quand je travaille, j'ai travaillé, mettons, sur Fielding ou sur Burkett ou, mettons, encore pire, la guerre des arts, je trouve que j'ai un dessin encore trop stiff, si vous me pardonnez l'expression, mais trop rigide. Puis ça, c'est quelque chose que j'essaie tant bien que mal avec le temps de casser, mais c'est pas évident. Mais là, avec cette contrainte-là de rapidité et de vitesse, ben j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de briser ça. Et là, bon, j'essaye que justement d'influencer, que cette portion-là de mon travail influence ce que je pourrais faire à l'avenir en bande dessinée. Et en termes de référence, en fait, si je me fie à une entrevue que tu as donnée sur le site de la Maison pour la danse, justement, tu mentionnais comme influence ou des auteurs que tu avais aimé peut-être regarder un peu en amont de ce travail-là, c'était Blutch ou encore Hugo Pratt. Pourquoi ces références-là? Ah, ben, je trouve que justement, eux, ils ont des ben, dans le cas de Blutch, je trouve qu'il y a un dessin qui est absolument vivant, absolument dynamique et puis super organique, super riche, tu sais. Puis Hugo Pratt, c'est plus dans la façon de traiter le noir et blanc avec des coups de pinceau, tout ça, que j'aime beaucoup. Chacun avait un aspect différent, une influence différente, là. Et donc, ça rentre un peu dans le défi, dans le fond, quand on parlait de l'énergie, du mouvement, mais dans le fond, les différentes dimensions qu'il faut que tu réussisses à, je dirais pas maîtriser, mais à laisser aller, justement, ton trait, ton dessin, pour réussir à les mettre de l'avant, pour réussir à nous les faire sentir, nous, observateurs. C'est ça. Est-ce que tu as l'impression qu'à la longue, justement, parce que tu disais, tu essaies un peu de casser ton style avec ton style habituel avec ces expérimentations-là, qu'en 2013, depuis 2013, en fait, donc depuis bientôt 5 ans, disons-le comme ça, ça fait un chiffron, que tu as réussi justement à développer peut-être un peu plus ce pan-là ou à le maîtriser, à le contrôler peut-être un peu plus? Ben oui, mais pas encore assez à mon goût, j'ai envie de dire. Comme par exemple, je pense dans ce que j'ai sorti depuis 2013, j'ai eu des filles indignes, j'ai eu la guerre des arts, les premiers aviateurs, qui sont encore des trucs qui sont assez assez rigides quand même au niveau du dessin. Il y a dans Salomé, les hommes en noir, où là j'ai des pages de croquis qui sont intégrées à l'histoire, mais c'est pas encore non plus le côté bande dessinée comme tel est encore trop rigide à mon goût. Là, dans le projet dans lequel je travaille, j'essaie de vraiment plus me rapprocher là, de cette volonté-là d'être plus plus organique puis plus énergique. Et en terminant, Francis, est-ce que autour des dessins sur la danse, il y a pour projet ou volonté ou désir éventuel d'avoir une publication, de les sortir du web, de les sortir des expositions pour nous permettre de les découvrir autrement? Ça serait bien, mais je peux pas dire que j'ai de projet dans l'immédiat. Et je rappelle aux gens qu'on peut les découvrir jusqu'au 12 septembre, donc à la Maison pour la danse de Québec. Francis Dernay, merci beaucoup. Ben merci beaucoup, Raymond. Au plaisir. Bonne soirée. Alors, donc, Maison pour la danse qui, je le rappelle, a été inaugurée la semaine dernière. dernière ligne droite pour cette édition de La Vie en BD ici au 89.1 CKRL. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, maintenant en compagnie de Michel Giguère. Bonjour. Salut Raymond. Alors Michel, en fait, toi aussi, un peu comme moi, tu reprends du service cet automne avec tes rendez-vous de la BD. La semaine prochaine, en fait, premier rendez-vous de la saison, le 13 septembre à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy. Et tu as choisi pour inaugurer ta saison de t'intéresser aux séries concept. Alors peut-être pour commencer, qu'est-ce que tu entends par série concept peut-être là? Plaçons les termes. Ben oui, c'est difficile en fait d'être précis puisque les concepts, ils sont variés. Je donnerai des exemples tout à l'heure. Et puis les séries sont parfois des collections et vice-versa. Alors tu vois, c'est pas simple. En fait, il y a plusieurs concepts mis de l'avant ces dernières années qui tendent à rendre plutôt flou la frontière entre la notion de série puis la notion de collection. C'est pas simple. Et donc, si on y va avec une autre définition, série, collection, la différence. Je me sens comme dans un quiz. J'espère que je vais gagner quelque chose. Une série, c'est généralement la création d'un BDiste ou d'un tandem scénariste-dessinateur. La série se développe autour d'un personnage récurrent, par exemple Paul de Rabagliati, ou d'un groupe de personnages récurrents, par exemple les Lombris. Les puristes feraient remarquer qu'une série, au sens strict, ça implique des épisodes, un récit continu qui se suit d'album en album. Pour les fins de notre discussion, ben, on va s'entendre sur une interprétation plus souple du terme série, et puis sur le fait que, pour prendre des exemples archi-connus, là, Astérix est une série au même titre que Bone, même si chaque aventure d'Astérix est autonome, alors que l'intrigue de Bone se poursuit d'un titre à l'autre. Oui, puis en fait, d'une certaine manière, quand on regarde une série avec des récits complets, mais reste que d'un album à l'autre, d'un récit à l'autre, il y a l'évolution du ton, il y a la psychologie des personnages qui peut progresser, il y a des personnages secondaires qui apparaissent, qui réapparaissent, qui gagnent en importance, on réfère à des événements passés, à des situations passées, à des aventures. Donc, d'une certaine manière, il y a un plaisir à lire aussi les Astérix dans l'ordre, des Jérôme Blotch aussi, par exemple. Oui, ben absolument, je suis d'accord avec toi. Les Nombris, je le nommais tout à l'heure, c'est le meilleur exemple. De la Fée Dubuc, on commençait par des gags sur un ton mordant et au fil des années, le ton est devenu plus dramatique, les psychologies se sont affinées, le principe du gag s'est assoupli de telle sorte que chaque planche est devenue davantage un segment d'un récit continu, avec une chute qui tient parfois moins de l'humour que du suspense. Alors oui, on gagne à lire la série dans l'ordre de toutes les manières. Et là, on s'éloigne un peu, en fait, on définit série, maintenant on définit collection. Eh bien oui, alors une collection, c'est non pas la création d'un BDiste, mais d'un éditeur ou d'un directeur de collection, justement. Une collection regroupe des créations d'auteurs différents autour d'un genre, au sens de genre littéraire, autour d'une ligne éditoriale. À titre d'exemple, les collections de prestige lancées par la plupart des grands éditeurs français comme Air Libre chez Dupuis, ou, à contrario, la collection série B qui s'assume totalement chez Delcourt. Alors, une collection, ça peut aussi s'élaborer sur la base d'un format. Je pense aux albums carrés de la collection Carrément BD chez Glénat ou les formats intermédiaires de la collection Mirage chez Delcourt. Et si on poursuit un peu, quand par exemple tu parles de Mirage chez Delcourt, c'est un peu pour eux, l'objectif, si on peut dire, de trouver un espèce de caractère distinctif, si on peut dire, des albums parus dans la collection par rapport au reste de la catalogue. Donc de dire qu'il y avait une autre ligne éditoriale, ça se distinguait du catalogue. À Mirage, donc, ils offraient des récits autonomes qu'on pourrait qualifier peut-être de séries d'auteurs comparativement à des séries commerciales qui étaient leur pain puis leur beurre, là, si on peut dire. Oui, et c'était du même coup, effectivement, une façon de cibler un type de lectorat différent. Les collections ont parfois pour objectif d'atteindre un public cible et souvent, à plus long terme, de le fidéliser. C'est qu'il y a un logo et une maquette de couverture rattachée à une collection. Il y a un design que le lecteur reconnaît au premier coup d'œil et qui va lui donner le goût de lire un autre titre de cette collection-là, même s'il ne connaît pas son auteur, simplement parce qu'il a aimé un autre album avec un canevas de couverture et un lettrage semblable et qui deviennent une sorte de promesse de plaisir de lecture renouvelée. Et là, Michel Giguère, on comprend bien donc la différence entre les séries et les collections, mais tu disais dans le fond qu'avec l'avènement des séries concept, ben, ce qui se passait, c'est que la démarcation entre séries et collections était peut-être un peu moins nette. Oui, ben, entre autres parce que les éditeurs principaux ont leurs scénaristes maison, des conteurs, disons, des conteurs très prolifiques qui peuvent fournir 4 dessinateurs de front sur différentes séries. Ces scénaristes maison sont souvent impliqués dans les projets de collection pour élaborer une idée de base dont on se demande si elle est venue à l'éditeur ou au scénariste lui-même. Dans ces cas-là, le concept va au-delà, disons, d'une marque de commerce, au-delà d'une collection dans laquelle on regroupe des BD ayant un point commun. Il y a plus, puisqu'il y a un créateur qui contribue à assurer une cohésion plus serrée. Il y a une continuité beaucoup plus significative. Par contre, les dessinateurs n'étant pas les mêmes d'un album à l'autre, ben, le style graphique, l'esthétique, l'ambiance changent. Donc, on se retrouve un peu à cheval entre le principe de série et puis celui de collection. Alors, pour nommer seulement les scénaristes les plus productifs qui ont fait des séries concepts, il y a Corbérant qui a écrit Uchronie pour Glénat, Trondheim, les 4 ou 5 déclinaisons de Donjon chez Delcourt. Il y a Franck Giroux qui a fait le Décalogue et puis Destin pour Glénat et aussi la série Secret pour Dupuis. Autant de série collection, dont chaque album est dessiné par un artiste différent. Glénat et le scénariste Convert sont allés plus loin encore avec le triangle secret, puisque dans chaque album, le récit s'articule sur plusieurs temps de narration et que chacune de ces trames-là est mise en image par un dessinateur distinctif dans un même album. Et enfin, on imagine au niveau de l'avantage pour les lecteurs et peut-être aussi pour les éditeurs, c'est que ça accélère le rythme de production comparativement à une série classique à un dessinateur. Eh bien, on sait que c'est souvent le dessin qui prend une longue, longue part du travail de production. C'est long, c'est complexe, c'est pas facile. Donc, ça devient parfois frustrant pour certains de dire, bon, quand on attend un an, on attend 2 ans entre chaque épisode, mais dans ce cas-ci, on coupe cette attente, là, si on peut dire. Tout à fait, parce qu'on accélère le rythme de production et de parution des albums. Dans le cas de Loisel pour Peter Pan ou Whistler pour Sambre, les délais sont parfois allés jusqu'à 5 ans entre 2 albums. Alors, ta remarque est tellement vraie qu'on peut se demander si c'est pas la volonté des éditeurs, justement, de remédier à ce problème-là, l'espacement des parutions, cette motivation-là qui a généré le développement des séries concept. Et j'imagine, en fait, si on y va dans une logique commerciale, mais les éditeurs ont davantage à réduire les délais pour garder les lecteurs accrochés, les fidéliser. Et parallèlement, si je reviens un peu sur des choses que tu as dites tantôt, Michel, tu as parlé de séries collection. Donc ça, est-ce que c'est des séries concept? En quoi on peut les qualifier, dans le fond, de concept, s'il y a lieu? Ben, Uchronie, celle que j'ai nommée tout à l'heure, là, Uchronie se constitue de sous-séries. Des sous-séries de 3 titres chacune. Chaque sous-série présente une vision, une version différente de la ville de New York, qui, selon les époques et les sous-séries, s'appelle tantôt New Harlem ou New Being ou New Delhi, en tout cas toutes sortes de noms comme ça. Alors, c'est une espèce de série d'anticipation. Le Triangle Secret, c'est une saga historico-ésotérico-religieuse dans la veine des romans de Dan Brown. Et le Triangle Secret, lui, a donné lieu à quelques séries satellites. C'est conceptuel, surtout par le fait que dans un même album, comme je le disais tantôt, chaque temps de narration est dessiné par un artiste différent. Le Décalogue s'inscrit un peu dans le même genre, mêlant histoire, religion, archéologie. Son personnage principal, c'est un livre, un vieux livre, qui contiendrait 10 commandements inédits et édictés par Mahomet lui-même. Et cette révélation-là pourrait changer la face de l'islam et par voie de conséquence, la face du monde. Alors, le bouquin en question, c'est le fil conducteur de toute la série et il a l'heure de compliquer la vie de quiconque entre à sa possession au fil des siècles. Chaque titre de la série constitue un récit complet en soi et se déroule dans un contexte géo-historique donné. Alors, sur 10 titres, on remonte la grande histoire à rebours en commençant à l'époque actuelle et puis en remontant d'un album à l'autre de plus en plus loin dans l'histoire, jusqu'à l'Antiquité. Et finalement, ben, il y a Donjon qui est né de l'envie de Trondheim de travailler sur une série en variant et en multipliant ses éventuels collaborateurs. Il y avait Destin aussi que j'ai nommé, qui est particulièrement intéressante comme série. Dans le premier tome, l'héroïne est confrontée à un déchirant dilemme moral, que je vous laisse le plaisir de découvrir à la lecture. S'ensuit un 2e tome où elle choisit l'option A et un 3e où elle a plutôt choisi l'option B. Alors, dans les albums suivants, le lecteur peut mettre en parallèle les 2 destins possibles d'une même personne et les conséquences de sa décision sur sa vie et sur son entourage. Et pour faire du pouce un peu là-dessus, sans dévoiler non plus le contenu de ta présentation de mercredi prochain, est-ce que tu peux nous résumer d'autres concepts de série? Ah, mais j'ai pas très peur d'en dire trop, puisque la force des rendez-vous de la BD, comme tu sais, c'est la projection sur écran des planches et des couvertures. Parler des récits dessinés en se plongeant tout le monde ensemble dans les segments des intrigues et puis dans la représentation visuelle, ben, ça ajoute une sacrée dimension. Alors, sinon, oui, d'autres concepts, ben, il y a quelques séries où chaque album raconte une seule et même histoire selon des points de vue différents. Il y a des séries où les scénaristes trafique les faits historiques et nous raconte ce qui se serait passé si tel pays avait pas perdu la guerre ou alors si telle personnalité influente avait pas été assassinée, etc. Et si on regarde un peu la présentation au niveau du type de récit, est-ce qu'on va plus essayer d'intéresser les amateurs d'aventure, d'intrigue dans la présentation de mercredi, ou ça risque de fasciner plutôt les lecteurs de récits intimistes, psychologiques? Bon, c'est sûr que les derniers que t'as nommés peuvent se sentir peut-être un peu moins interpellés. Sauf que, tu vois, il y a une couple de semaines, j'ai croisé une habituée des rendez-vous de la BD qui m'expliquait qu'elle n'était pas certaine de pouvoir y assister, mais qu'elle espérait pouvoir se libérer. Là-dessus, je lui dis de pas trop s'en faire, que je pensais pas que le thème et les séries présentées allaient l'interpeller beaucoup. Et là, elle m'a contredit et m'a fait regretter mon a priori. Elle m'a dit qu'au contraire, la notion de série concept l'intriguait. J'ai compris que son intérêt était d'ordre intellectuel, qu'elle avait envie de voir comment éditeurs et bédéistes s'évertuaient à renouveler les formules éprouvées. Et puis par ailleurs, ben, les gens qui s'intéressent à la grande histoire vont y trouver leur compte eux aussi. Et puis, il y a des séries comme Les Cités Obscures, Melville ou les albums des éditions Futuropolis là, sur le musée du Louvre, qui manqueront pas d'accrocher les lecteurs plus littéraires, plus intello. Alors, il y en aura pour tous, et sinon, mais ça permet toujours de continuer à explorer l'univers de la BD, à toujours mieux comprendre ses ramifications. Alors, le rendez-vous est mercredi prochain, donc le 13 septembre, c'est à 19h à la salle Gérard Martin de la bibliothèque Gabriel Leroy. L'entrée est libre, on s'y présente, premier arrivé, premier servi. Michel Giguère, on se dit à mercredi et au mois prochain. Merci beaucoup. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, on rencontre Michael pour parler de sa BD Giant. On jase avec Sviane de ses récents projets en cinéma d'animation via l'ONF. On vous propose des commentaires BD et plus. C'est Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.